بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنواصل في كتاب فضل رب البرية من شرح درر البرية فنحن في كتاب الزكاة وفي درس الماضي قد رأينا نصاب الأوراق النقدية ما يسمى بالفلوس طيب ce qu'on appelle l'argent les billets on a vu le nisab et comment faire la zakat sur cela alors aujourd'hui nous allons voir bismillah tabarak wa ta'ala أموال التجارة. On appelle رؤوس التجارة. Les expositions commerciales. طيب. Ce qu'on expose pour vendre. Est-ce qu'il y a la zakat? Si c'est là, ou il n'y a pas la zakat? Alors l'auteur du livre, il dit « وَأَمْوَالُ تِجَارَ » et les biens commerciaux. Alors ici, Aïe, il veut dire que « la zakata et أَمْوَالِ تِجَارَ » Il n'y a pas de zakat sur les biens du commerce. C'est-à-dire, si une personne a une boutique et il vend, il gagne des bénéfices. Ou bien, il vend des bestiaux. Voyez, n'importe quelle chose qu'il vend. Tant qu'il a exposé cela pour vendre, alors il dit, il n'y a pas de zakat sur cela. Et dit voilà zakat fi amwal at-tijara. C'est-à-dire ici c'est la parole de l'imam Shawkani. Fahiya ma'toufatun ala allati qablah. C'est lié à ce qui a précédé. Voilà zakat fi ghayri hima min al-jawahir. Il n'y a pas de zakat si autre parmi les ornements. Parce qu'on a vu que les ornements, il n'y a pas de zakat dessus. N'est-ce pas? Donc, il dit aussi ici qu'il n'y a pas de zakat sur les expositions commerciales. فَقَالَ لَا زَكَاتَ فِي أَمْوَالِ التِّجَارَةِ. Il n'y a pas de zakat sur les biens, c'est-à-dire l'argent ou les biens liés au commerce. Et le Cheikh Ali Ramli, il dit « هَذَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمُؤَلِّفِ تَبَعًا لِبَعْطِ أَهْلِ الظَّاهِرِ » Voici ceci quoi est allé l'auteur du livre en suivant certains savants qui sont sur le texte de manière apparente. C'est-à-dire les Zahiriyas. Soyez. La même manière dont le chef, l'imam Shawkani, il a dit cette parole, il y a aussi le chef Al-Albani, Rahimahullah, qui allait aussi sur cet avis-là. savoir. Il a montré qu'il n'y a pas de zakat sur Arouz At-Tijara. Masalanti, c'est que si quelqu'un vend quelque chose d'un magasin, est-ce qu'il doit faire la zakat si c'est qu'il vend? Voyez. Lakin, mais ici, Ba'dul ulama, certains savants, n'a pas lu à l'ittifaq. Ils ont rapporté le consensus. Ça va? Ils ont rapporté le consensus. Et ils ont dit, ils ont rapporté le consensus à la anna amwal al-tijara fiha zaka, en disant que les biens du commerce, il y a la zakat dessus. Illa anna hadha al-ijma, sauf que ce ijma, dans ce même ijma, il y a une divergence dans ce ijma. Ça va? والصحيح عندنا للشيخ قادر رمليدي سكي فرق شنو أن عروض التجارة فيها الزكاة والشيخ قادر رمليدي إلى لي في la parole de ceux qui disent que l'exposition commerciale il y a la zakat dessus. طيب العروض كيف دي عروض جمع عرض أو عرض بفتح الراء أو إسكانه بدي عرض ومن عرض وسميت عروض سيدنا من عروض تجارة لأنها تعرض وقتا أصلا يسبوز عن مما ثم تزول et ensuite ça passe. Voilà pourquoi on appelle عروض. C'est chez les Arabes quelque chose qui est yani arada, c'est quelque chose qui vient et s'en va. Voyez, masalan, j'ai déposé une table et puis je viens, je mets des avocats ou bien des mangues pour vendre à la arada, et ensuite lorsqu'il est le temps arrive que j'enlève, est-ce que cette chose reste d'aïman sur la table? Il peut arriver aussi que pendant que je vends cette chose, quelqu'un vienne acheter et il part avec. Je l'ai exposé sous ma table. Toute chose qu'on dit exposée, ça veut dire qu'il n'était pas là et il était exposé. Ça va? Adamana Arouz. Voyez, Kullu Ma'u'idda l'ilbaï. C'est toute chose qu'on a, préparé, on a mis pour vendre ou acheter et acheter et adhérer pour avoir le bénéfice. Wa aqsu zakat minha wajib. Il dit prendre la zakat de arud tijara ou arud, c'est une obligation. Khilafan li mu'allif. Contrairement à ce qu'a dit l'auteur du livre qui l'imam Shawkani lui dit, il n'y a pas de zakat. Taïb. Li annaha, mais le cheikh Ali Rami dit car, dakhilatun tahta umumi qawlihi. Ça rend sous l'ensemble, la généralité de la parole d'Allah. Elle a dit, khuz min amwalihim. Prendre de leur bien la zakat. Alors ici, quand on dit bien, tout cela rentre dans le sens de bien. Ça va? Il l'a, pourquoi? On a dit que les jawahir, ces ornements, il n'y a pas de zakat dessus. Pourquoi? D'après un test. Voyez. Pourtant, les ornements font partie des biens. Donc, ce que vous devez comprendre ici, c'est que Khuzmin amwalihim sadaqatan. Prends de leurs biens une sadaqa. Dalila zakat. Tout en hieroum, tu les purifies ou tu zakihim bien. Mais ce n'est pas général. Ça va? Il a déjà le khusus, si la spécificité vient, ça lève souvent le général. Ça, c'est la règle, je l'ai aussi oublié. Voyez, Allah dit, prends de leur bien. Voyez, leur bien, il y a Arou, Yara, il y a les Jawahir, il y a même leur maison. Leur maison qui dorment dedans. Ça fait partie de leur bien, enfin. Il y a aussi ce qu'ils ont chez eux, les éclats ou les possessions. Parce que par exemple, leur table, leur voiture, leur vélo, tout cela, ça fait partie de leur bien ou pas. Est-ce que cette parole rentre dans toutes ces généralités-là? Alors, ça ne rentre pas dans toutes ces généralités-là. Si on veut prendre dans sa généralité de cette manière, on dira que tout ce qui est le bien de l'être humain, il y a zakat. Voyez? Donc, mais là, voici la preuve qu'ils ont apportée et ils disent, Warud Tijara Amwal. Ça va? L'exposition commerciale fait partie des biens. Voyez, Arlabu Amwal Tijara. Et c'est plus précieux et ce qui est plus général parmi les biens des Atujar, des commerçants. Alors ici, وَسَدَلَّ الْبُخَارِي بِحَدِيثِ Bukhari, il s'est basé sur le hadith de Abu Huraira. Ça va? Pour dire qu'il y a la zakat sur Urud At-Tijara. Parce que l'imam Bukhari, il a aussi d'avis qu'il y a la zakat dessus. Voyez, il est de cet avis-là. Vous avez compris? Voyez. Le hadith qui s'est basé dessus, il a dit Amma Khalidun faqad ihtabasa adra'ahu wa a'qudahu fi sabilillah. Je vous donne le contexte du hadith. Il dit quant à Khalid, il a gardé ses armures et ses armes. Ça va? Sur le chemin d'Allah. Pour le chemin d'Allah. C'est-à-dire, il n'a pas pris pour vendre. Ici, le contexte, quel est le contexte? Le contexte, c'est que Abu Huraira, le hadith d'abord vient d'un Bukhari ou Muslim. Abu Huraira il dit Ba'atha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Omar ala sadaqa. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Omar pour aller récupérer la zakat. Faqila. Et il a été dit Mana ibn Jamil wa Khalid ibn Walid والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ils sont revenus au messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. Ils ont dit au prophète صلى الله عليه وسلم que Ibn Jamil ainsi que Khalid ibn Walid ainsi que Al-Abbas ils ont refusé de donner la zakat. Ça va? Adamana mana. Ils ont refusé de donner la zakat. Alors, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم dit: ما ينفع qimu Ibn Jamil. On ne va pas reprocher à Ibn Jamil, illa annahu kana faqiran, sauf qu'il était pauvre, fa'naahu Allah. Allah lui a donné de l'argent, Allah lui a accordé les biens. Wa amma Khalid, kata Khalid, Khalid ibn Walid. فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا Vous faites du tort à Khalid. Pourquoi? Quand vous êtes parti récupérer la zakat avec lui, Khalid n'y donne pas. Donc vous pensez que Khalid, il a refusé de donner la zakat. Pourtant Khalid اِحْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ Il a conservé ses armures wa atadahu ainsi que ses armes. Atad aussi ici d'autres dit ses chevaux. Tout ça. Il a gardé cela fi sabilillah pour le combat sur le chemin d'Allah. Donc il n'y a pas de zakat dessus. Vous avez compris? Voici le contexte. Ici, l'imam Nawawi, il dit, Atad et Alad al-Harb, ce sont les outils de combat, inas-silahi wa dawab, comme les armes ainsi que les animaux. Al-Ufihi al-Khayr. Le cheval rentre dans cela. Quelle est la leçon du hadith? Ici, ils ont demandé à Khalid de donner la zakat. Pensant que Khalid il avait gardé cela pour vendre. Et la zakat est obligatoire dans cela. Alors Khalid l'a dit, la zakat lakum aliyya. Vous n'avez pas de zakat sur moi. Et ils ont dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, inna Khalid al-mana al-zakat. Khalid a refusé de donner la zakat. Khalid lakum, lakum. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, innakum tazlimuna Khalidan. Vous faites du tort à Khalid. Parce qu'il a retenu cela, il a gardé cela pour aller combattre la migraine. C'est-à-dire, il n'a pas pris cela que pour aller combattre les misères. Donc, il n'y a pas de zakat dessus. Voyez? Donc, voici leur istidlal. Voilà ce qu'ils disent. Ils disent, n'eût été cela, cette excuse que Khalid avait, on allait prendre la zakat, dans ce qu'il avait comme armure et puis les outils de combat. Voici la preuve. Ça va? Très bien. Donc ici, le cheikh Ali Ramli, il dit que l'imam Bukhari a utilisé cela comme argument. وهو عندي أيدي شموع الصح دليل في هذه المسألة. C'est la preuve la plus authentique dans ce sujet-là. ووجه الدلالة في هذا الحديث. Quel est l'argument dans ce hadith? أن جامع الزكاة. Celui qui rassemble les zakat, جاءوا إلى النبي. Ils sont allés vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont plaints auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Anna Khalidan lam yadfa zakat mal. Khalid n'a pas donné la zakat de son bien. Wa mal Khalid huwa itad wa adra. Ghanima fil harb. Le bien de Khalid, c'était les armes, ainsi que les armures qu'il a gagnées comme butin dans la guerre. Ça va? Et le cheikh Ali Ramli dit, « Mimma arafnahu anna al-hadid Et ce qu'on connaît, c'est que le fer, la zakat a fait. Il n'y a pas de zakat. Fadi ayi wadi. Et comment tukhuz zakat min khalid? On va prendre la zakat de khalid à la adra'ihi. Ça va, ici c'est adra. C'est le diable ou dira. Le prière de dira. Wa itadihi ladhi yahadi. Pourquoi on va prendre la zakat de Khalid sur ses armes ainsi que ses armures alors que c'est du fer et venez jusqu'ici. Alors que c'est du fer. Alors le cheikh Ali Ramli dit la wajha dhalik. Il n'y a pas à faire cela. Il n'a rien qu'on a déjà mis zakat, sauf que celui qui rassemble la zakat, zonou, ou bien ceux qui rassemblent la zakat, ils ont pensé, annaha qolou, iddat tijara. Et Khalid avait gardé cela pour vendre. Sinon, normalement, il n'y a pas de zakat sur le verre. Mais si Khalid a gardé cela, pourquoi est-ce qu'on lui demandait la zakat? Parce que, il pensait que Khalid avait gardé cela pour vendre. Vous comprenez maintenant? فقال لهم رسول الله. Donc, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: Amma Khalid, kata Khalid, qad ihtabasa adra'ahu. Il a gardé ses armures, wa a'tudahu, ainsi que ses armes, fi sabilillah, pour combattre sur le chemin d'Allah. Lisa, c'est pour cela, istadil l'ami al-Bukhari. Bukhari a argumenté, rahimahullah, ala anna fi aroud tijara zaka. Bukhari s'est basé sur cela pour dire que aroud tijara, il y a la zakat dessus. Ça va? Donc, ils ont utilisé plusieurs preuves. Ceux qui disent que si aroud tijara, il y a la zakat. Ça va? J'ai utilisé plusieurs preuves, c'est pas seulement cette preuve-là. Il y a le verset qui vient dans Surat Al-Baqarah, dans lequel Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ardh. Dépensez de ce qui est bien, de ce que vous avez obtenu et de ce qui nous avons fait sortir de la terre pour vous. Ce que vous avez obtenu, le commerce rendait non pas. Le commerce rendait non. N'est-ce pas? Ce que vous gagnez du commerce, les arômes de tijara, ça rendait non. Et maintenant, l'explication vient de nos salafs, sur cela, sur ce verset. Lui dit, Mujahid, il dit Nazalat Fittijar. Il dit ce verset est descendu à cause du commerce. Anfiqu min tayyibat ma kasabtu min al-tijar. C'est-à-dire dépenser de ce que vous avez eu dans le commerce. Sauf que le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il ne trouve pas de preuve dans cela. Il n'a pas d'argument. Ça va? Il y a aussi le hadith de Samura bin Jundub sur lequel il se base. Il dit, Samura bin Jundub dit, qala inna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam kana ya'murna. Il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous ordonnait أن نخرج الصدقة في الدنيا زكاة من الذي نعد للبيع. C'est ce que nous avons gardé pour vendre. Commerce. وحسنه ابن عبد البر. ابن عبد البر a rendu le hadith حسن. طيب. Mais pourquoi le Cheikh Al-Albani avec ce hadith-là? Et Cheikh Al-Albani dit, il n'est pas d'accord. Donc, afawu Al-Albani. Al-Albani a rendu le hadith d'Al. Ça va? Dans Irwa al-Ghalil, وقال الحافظ الإمام حافظ بن حجر بإسناده جهالة جهالة بمعنى يا quelqu'un qu'on ne connaît pas. وقال النووي في المجموع في إسناده جماعة لا أعرف حالها. Il dit dans l'Isnad l'imam Nawawi. Il dit dans le isnad de ces hadiths, il y a un groupe de personnes que je ne connais pas la situation. Si Jahal Amna, on ne connaît pas Majoul. Il a waqa Majoul ou bi hadith. Je connais hadith Mada. Da'ifan. Nasrullah alayhi wa sallam. Il y a aussi un hadith qui vient là, rapporté par Daraqutni et Hakim. D'après Abu Zarr, radiallahu ta'ala anhu. Il dit, Samiyatu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, fil ibil sadaqa. Dans la chamel, il y a la zakat. Wa fil ghanam sadaqa. Dans les mouton et brebis, il y a la zakat. Wa fil baqa, sadaqa. Dans les vaches, il y a la zakat. Wa fil baz, sadaqa. Baz. Baz bil ba wa za. As-siyar. Les vêtements. Il y a la sadaqa. Pourquoi? Ici, il y a un livre qui montre que on peut se baser dessus pour dire que dans l'ordre de Tijara, il y a la zakat. Parce que, normalement, les vêtements, il n'y a pas de zakat dessus. À la base, sauf si on a pris cela pour vendre. Ça va? Maintenant, ici, il y a plusieurs asars. Lakin Cheikh l'Albani, rahimahullah, avec Badou Zohiriya, il dit tout ce que vous avez apporté comme preuve sont des explications non réalistes claires, voire qui montrent que le professeur sallam, il a pris la zakat des arôtes. Dans les versets que vous avez apportés, les versets et les hadiths de Amma Khalid, Kodi Hassani, n'est-ce pas? Lakin, le Cheikh Ali Rami, il est d'accord avec cette preuve. Il a dit à Sah, à la preuve qui est plus correcte. لكن أنا أقول خروجا من الخلاف parce qu'il y a un خلاف sur le sujet mais جمهور est sur le fait que روح التجارة il y a الزكاة ça va جمهور quand il dit جمهور الأئمة الأربعة les quatre imams. Abu Hanifa. Malik. Imam Shafi'i. Wa Imam Ahmad. Rahimahullah. Ils sont tous allés ila wujubi zakat fi urud at-tijara. Ils sont tous unanimes que c'est la zakat fi urud at-tijara. Et il voit que la majorité des savants, surtout ceux de maintenant et passé, ils voient que celui qui contredit ce idma, Khodjadza, C'est-à-dire il s'est détaché. Voyez, là on regarde la preuve. Pourquoi il y a une divergence? Parce que la preuve que vous apportez n'est pas claire. Voyez, n'est pas de manière spécifique sur cela. Le hadith de Abu Hurayra Amma Khalid, est-ce que ton église, est-ce que la preuve est claire? Parce que c'est muhtamal. Ça va? C'est muhtamal. Yahtamilu manahu ila manan akha. Ça peut donner un autre sens. Comme d'autres ont dit, pourquoi Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam a dit Khalid a gardé ça? Parce que Khalid avait donné tous ses biens puis sa mérite. Il a gardé ça seulement pour lui. Il dit, voilà pourquoi il a dit, pas tout ce limon là. Vous lui faites dire, pourquoi vous voulez venir prendre ça? Alors que Khalid avait déjà donné tous ses biens. Ça peut ne pas être parce que Khalid ne vend pas. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est mon temps. Voilà pourquoi les savants se sont tirés sur cette mas'ala. Voyez. Lakin ana alladhi a, c'est que je vois des recherches et des paroles des savants que j'ai vues. La bouddha min bara'atihim. Le croyant, il doit tout faire pour se décharger. Ça va? Si je dis qu'il n'y a pas de preuve pour Abu Tijara et il se trouve que l'épreuve est authentique, qu'est-ce qui va se passer? Je ne vais pas donner des zakat sur mon commerce. Et je trouve vraiment que je vais manquer à moi. Je vais être servi pour cela ou pas. Hein? Vous comprenez? Si je dis par exemple, il n'y a pas de zakat à Abu Tijara. Et ils ont apporté des preuves pour montrer qu'il y a zakat. Et ils ont expliqué. C'est une preuve qui, dans l'explication, tu comprends. Ça va? Sauf les gens des Al-Zohiriya qui n'acceptent pas. Montagne. S'il arrive qu'ils sont sur la vérité, qu'est-ce qui va arriver? Donc, il y a pas, c'est mieux de se pencher vers la parole de ceux qui disent qu'il y a un zakat dessus. Parce que la base, c'est la zakat, sauf ce qui n'a pas été, ce qui a été enlevé de là. C'est ce qu'a dit certains savants. Mais ceux qui ne sont pas d'accord, ils disent que la base, c'est qu'il n'y a pas de zakat, c'est quelque chose, sauf ce qui a été affirmé. Même si je pense beaucoup sur ça. Je pense beaucoup sur ça. Ça va? Parce que pour les Jawahir, on a vu que ça fait partie des biens en général. Mais pourquoi il n'y a pas de zakat dessus? Parce que ça n'a, il n'y a pas de preuve qui montre que la preuve qui est venue est d'Aïe. N'est-ce pas? On a vu ou pas? Voyez. Maintenant, à l'eau de Tijara, s'il n'y a pas de preuve claire, il n'y a pas de preuve claire, alors on attend la preuve claire qui montre qu'il y a la zakat dessus. Ça va? Lakin ikhtiyatan. Ça va? Plus de précautions. Parce que le croyant, il choisit toujours ce qui le fait sortir du khilaf. Si tu as donné un rôle, zakat, c'est sorti du khilaf. Parce que ceux qui sont aussi qui disent qu'on ne doit pas donner, certains d'entre eux ne vont pas déclarer ce qu'il t'a donné. Ça va? Voyez? Parce que la généralité. Seulement que le cheikh l'Azbani, rahimahullah, il y a beaucoup de ici. Il va bien. Ça va? Lui dit tout, sinon il n'y a pas de preuve de ceci, tu fais cette vie-là. Donc, si Kala nous a fait la compréhension. À la cour des Hans, moi je vous donne, je vous ai donné les paroles. Ça va? Ouais, ça, c'est tout le monde qui vous a gâté Il y a des conditions qui rendent obligatoire la zakat sur l'exposition commerciale. La première condition en table renouvelable, qui s'atteint le quota. Quel est le quota des oraux de tijara? Le quota des oraux de tijara, c'est nisob zahab. C'est le nisob de l'or. L'or, c'est combien de grammes? 85 grammes. Donc, si tu évalues le prix d'un gramme dans ton pays, et tu multiplies par 85, ce que ça va donner. Si tu t'en vas dans ton magasin et tu calcules, ça va? Donc on le calcule sur le prix d'achat ou le prix de vente. À Sohi, c'est le prix de vente. Ce qu'est Sohi, c'est le prix de vente. Ça va? Donc ça va dire le prix d'achat. Mais c'est le prix de vente actuel. Ça peut descendre comme ça peut monter. Mais tu te bases sur le prix des ventes parce que tu fais l'inventaire de ton magasin. Maintenant, quand tu fais l'inventaire et puis tu comptes tout, ce que ça va te donner, si ça vaut le nisab, de 85 grammes, c'est-à-dire si tu calcules 85 grammes, ça va? L'argent que ça va te donner, si ça donne 1 500 000, tu calcules si ta marchandise, la valeur de ta marchandise vaut 1 500 000, alors tu dois donner la zakat si l'année passe dessus. Vous voyez? Mais comment ça se fait? Parce qu'on sait que le magasin, ça vient, ça s'en fait. Ok? C'est-à-dire, si tu commences à vendre, tu calcules ta marchandise. Si ta marchandise vaut les nisab, tu vends, tu achètes, tu vends, tu achètes, tu vends, tu achètes. Jusqu'à un an passe dessus. Alors, tu comptes et tu enlèves la zakat selon ce que tu as présentement. Mais il faut être rassuré que, au préalable, déjà, quand tu as calculé toute ta marchandise, ta valeur, c'est descendu. Ça va? D'autres avances sont allées sur cela. D'autres avances disent non. Ta marchandise, si tu l'achètes, du moment où tu as acheté jusqu'à à la vendre, si ça fait un an, alhamdulillah, tu fais la zakat dessus. Là, la gouda, tu es le nisab d'abord, et puis l'année passe dessus. Ça va? Par exemple, celui qui a une boutique, et là, c'est que dans la boutique, ça dépasse le nisab. Généralement, sauf les petites boutiques, hein, comme le magasin de chez Abdelaziz. Il y a des boutiques aussi à la maison, on doit faire, on l'a là, tu dois faire ce cadeau. Ah oui, oui, oui. Là, que tu vends, hein? On va calculer pourquoi si ça vaut les 100. Et tu vas arrêter façon d'admettre de faire la carte. Non, oui, vous pouvez poser des questions parce que ici, tu as vraiment besoin qu'on pose des questions pour comprendre. Non. Non. Là, même si ça ne vaut pas l'initiative, pendant que tu vends, s'il est un an, du moment où tu as acheté la marchandise, alors tu calcules en ce moment. Et du moment où tu as, pas la machine, mais le moment où tu as commencé à vendre. Par exemple, si tu es un boutiquier, tu as mis les choses, tu as commencé à vendre ta boutique. Du moment où tu as commencé à vendre, tu calcules, tu comptes ce moment-là jusqu'à si un an passe dessus, tu fais l'inventaire maintenant. Ce qui est là présentement, c'est ce qui te donne en tête. Puisque c'est pas facile, quand on calcule sur un an, mm-hmm. après un an, si on n'est pas descendu. Ça, c'est la parole de certains savants. Ça va? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai fait le facile. Ça va? Mais ici, il faut comprendre que du moment où tu as mis cela pour vendre, du moment où tu as pris l'intention pour vendre, même si c'est un seul, un seul article. Par exemple, celui qui a décidé de vendre sa moto. La moto vaut 2 millions. Un exemple. L'a mis dessus à vendre. Si un an passe, il doit faire zakat sur moto là. Oui? Ah bon. Vous devez mettre avant la vente. Allez voir. Parce que tu l'as posé pour vendre. Du moment où tu as eu l'intention de la vendre, on commence à compter en ce moment. Même si c'est un seul article, mais ça dépend de la valeur. Ça va? Quand tu vendais pour toi là, brouette là, ça fait combien d'années? Mais depuis longtemps, tu avais l'intention de vendre. Tu as longtemps. Là, donc, ok, j'ai compris. Est-ce que vous comprenez? Voilà, je ne veux pas m'imprécier, quoi. Je veux que vous compreniez mieux. Ça va? Ici, si j'ai eu l'intention, du moment où tu prends l'intention de vendre la chose, du moment où tu ouvres ton magasin, tu commences, si tu as ouvert ton magasin, un nouveau magasin, ça va? Dans le mois de Shawwal. Le mois de Shawwal qui vient, tu comptes ce qui est dans le magasin. Si ça vaut l'Isra, tu fais la zakat. Si ça vaut pas, tu ne fais pas la zakat. L'année prochaine, encore dans le mois de Shawwal, tu comptes encore. Si ça vaut l'Isra, tu fais la zakat. C'est-à-dire, ici, ce qu'est la parole correcte, c'est qu'au début, on ne considère pas si ça vaut l'Isra ou pas. Tu comprends maintenant? C'est-à-dire, du moment où tu as eu l'intention de vendre, alors, si c'est dans le mois de Shawwal, si la marchandise atteint le mois de Shawwal qui vient, tu regardes la valeur de cette marchandise. Si sa valeur vaut les 85 grammes d'or, tu fais la zakat dessus. J'ai compris? Et j'ai donné l'exemple sur une moto, ça peut être une voiture. Quelqu'un qui décide de vendre sa voiture. C'est devenu rose, bizarre. Ça va? Donc, s'il a mis dessus avant, il a donné se promener ça au quartier, il roule. Les mécaniciens. Ok. Il a roulé jusqu'à un an. Il doit voir la valeur de la voiture. Si ça vaut la zakat, il donne, qu'est-ce qu'il donne en zakat maintenant? C'est pas la voiture. C'est, par exemple, il compte que la voiture est 2 millions. Et si 2 millions, ça vaut la valeur de 85 grammes d'or, il divise maintenant la valeur de la voiture par 40. Et puis il donne cela en argent. Il donne la valeur en argent. Est-ce que vous avez compris? Hein? Non. On a déjà vu ça. Tu ne sais pas là. Ok. Ici, c'est Roboloche. Roboloche. Il divise d'abord par 10, ensuite il divise par 4. 4, le quart du dixième. Le quart du dixième. Mais si il divise par 40, Amoussal, ça te donne le même résultat. Ça va? Non. On n'atteint pas le nisab au prix d'achat, mais au prix de vente, ça dépasse le nisab. C'est au prix de vente. C'est au prix de vente. C'est au prix de vente. C'est pas au prix d'achat. C'est ce qui est la parole correcte. C'est au prix de vente, c'est pas au prix d'achat. Tu as acheté ta moto à 250 000. C'est pas si tu as mis la moto à 600 000. Il existe un beau zakat, tu t'as donné. Faut pas te être malin. Quand l'année commence à finir, tu diminues plus de moto. Ça va? C'est au prix de vente. C'est-à-dire la valeur de la marchandise sur le marché. Ça va? La valeur de la marchandise sur le marché. Et ça, tu le vends à sa valeur. Ça va? Et si cela, on dit ceux qui ont massalam des terrains, ils ont placé pour vendre. Ça va? Alors, ils estiment la valeur du terrain. Pas le prix d'achat. Non. Oui, c'est la valeur à l'instant. S'il a l'intention de vendre, hein. Ça va? Et on a toujours la même valeur. C'est-à-dire, si cette année, ton terrain, la valeur, c'est 5 millions, tu regardes 5 millions au Nissab, tu divises 5 millions par 40 et puis tu donnes cela à quelqu'un. Si en tout cas tu as mis le terrain en vente, maintenant si tu as 10 terrains, il faut calculer. Ça va? J'ai très bien compris. Tu as un terrain, tu as acheté 1 million. Dans 2 ans, ça vaut 5 millions. Mais tu sais que dans 10 ans, ça va aller dans 10 millions. Donc, 2 ans, si ça vaut 5 millions, tu fais la zakat dessus. 3 ans, si ça vaut 6 millions, tu fais la zakat dessus. 4 ans, si ça vaut 7 millions, tu fais la zakat dessus. Selon la valeur que le terrain va prendre. Non. Si c'est l'Irkna, il n'y a pas de zakat. Hein? Alors, je dis ça, allez loin. C'est un terrain. C'est un terrain. Dès que j'ai dit, si c'est pour l'Irkna, il a dit, à pas bien. Non. Oui, ceux qui mettent les maisons en location, chaque année il y a zakat dessus. Oui. En fait, tout ce qui a été mis pour gagner des bénéfices, il y a la zakat dessus. Oui. Si tu as 5 maisons, et les 7 maisons, chaque maison fait 40 000. 40 000 fois 5, ça fait combien? Ça fait 200 000. Ça, c'est un mois. Non, mais c'est pas ce qu'on compte dans l'année, en fait. C'est ce que tu reçois le moment où tu dois donner la zakat. Tu comprends? Sinon, si on te demande de faire zakat, ce que tu as reçu dans l'année là, mon ami, ça va chauffer. C'est-à-dire, même Haroun Tijara, tu peux vendre ta marchandise, tu achètes, tu vends, ta rente, tu vends, tu achètes, tu considères pas tout ça. Mais le moment de la zakat, c'est-à-dire le mois de Shawwal, par exemple, tu sais que ça va faire un an, tu es en train de faire ses ventes et achats. C'est la marchandise qui est présente, que tu calcules et tu donnes la zakat. C'est comme aussi aller dire au Iddat il Ijara, ce qui a été mis pour être loué. Ça va? Ce qui a été mis pour être loué, c'est le mois où tu dois donner la zakat, tu calcules la valeur et tu donnes la zakat. Tu as compris? Hein? Est-ce que c'est bien compris? Non. Oui. Oui. On rassemble tout. Au fait, toi, tous ceux qui sont des biens dans ta vente, tu rassembles. Et on va voir même que tu peux me rassembler la zakat al-mal et puis en route de tijara ensemble pour faire un seul nisab et puis pour donner. Allez, Jus. Non. Là, il n'y a pas de divergence. Non. Ça va bien. Donc, quand tu rentres en position de cela, ceux qui ont fait cela doivent se répandre. On ne demande pas de rembourser tout ce qui s'est passé. Qui ne savait pas? Ça va? Qui ne savait pas? Maintenant, du moment où tu sais, tu donnes la zakat depuis ce moment. Ça va? Tu ne rembourses pas tout ce qui a passé. C'est comme celui qui ne priait pas. S'il vient comprendre que la prière est une obligation, on va lui dire qu'il n'a qu'à rembourser tout ce qui. Ça. En tout cas, il n'a pas se répandre. Obama, Allah va le pardonner. On fait un seul jamais. Mais on va lui demander de rembourser tout. Non. Pardonne-moi ça. Il n'y a pas de moment. Ça vous rappelle. Ça, c'est les gens qui ont des biens, ils sont en train de savoir comment ça se passe. Non. Non, c'est en ce moment qu'il considère. Voilà. Oui. Non, non, dès qu'il rentre en position, il attend un an après. Oui. Oui. Non. Par exemple, celui qui a bien dit, Oui. Il a pris l'intention que dans 5 ans il va vendre, l'intention de vendre est là ou pas. C'est là. Il donne la zakat de sien chaque année. Non. Tu comptes? Oui, on comptabilise le crédit. Le crédit, c'est parmi tes biens. Hein? Et là, tu as pris la marchandise à crédit. Tu comptes? Ça t'a pas dit. Tu as pris la marchandise à crédit, ça t'a pas dit. Tu as donné aussi crédit d'eau. Tu comptes ça dans un rouble de tigre. Ça va? Non. Non. Trouvez-vous question, ça fait qu'on avance, non? Ah, c'est pour mieux comprendre. Ok. Voilà, dans une comme ça, on a le propriétaire et celui qui travaille en fait. Souvent, en fait, chaque trois mois, ils font l'inventaire. Dans la boutique. Comment ils arrivent avec ça? Non, pas forcément. Ma parole n'est pas allée forcément dans ce sens. Ici, je comprends ta question. Si c'est l'argent qui lui donne, lui, il est juste un employé, lui, il ne donne pas de zakat. Sauf si lui, son argent qu'il garde pour le quota de zakat. Tu comprends? Parce que lui, il est un contrarié, c'est-à-dire quelqu'un qui fait le contrat avec le propriétaire. Mais la boutique appartient à qui? Propriétaire. Mais si jamais, dans la boutique, ils ont fait l'inventaire, il a dit tel nombre de marchandises t'appartient. Et tel nombre de marchandises m'appartient. Il a divisé la boutique en deux. Alors, du moment où il a dit ça, ça t'appartient, il n'allait pas dessus, même s'il travaille dans le magasin, il doit calculer sa part. C'est compris? Et le propriétaire aussi calcule sa part. Mais je vois, je comprends que ça ne va pas dans ce sens. Parce qu'il ne peut pas avoir propriétaire de marchandises, deux propriétaires pour les marchandises, et même pour le propriétaire. On ne sait jamais. Ou bien. Mais ici, tu veux dire, après l'inventaire, le bénéfice qui ressort, l'autre à sa part dedans, le patron à sa part, il garde une part dans la caisse. C'est ça, non? Pour les charges. Donc, ici, lui, sa part, lui, c'est comme il est dans un travail, on lui donne de l'argent. Il va dépenser son argent. Lui, il n'a pas de zakat parce qu'il n'est pas le propriétaire de la boutique. Ça va? Lui, il est juste un contrat, quelqu'un qui est venu faire contrat. Ça va? On l'a loué pour venir travailler. Il est salarié. Donc, alors, lui, c'est content de son salaire. Maintenant, celui qui doit vraiment calculer chaque année pour sortir la zakat, c'est le propriétaire du magasin. Tu comprends maintenant? Non. C'est clair. D'abord, premièrement, ça dépend de la manière dont ils se sont entendus depuis le début. Et non, al-Muslimoun ala Shurutim. C'est sur quoi ils se sont entendus. Ça va? C'est clair qu'il y a des voleurs. Tu mets quelqu'un dans ton magasin, il va mettre de l'argent à côté. L'argent à côté, à côté, à côté, à côté. Jusqu'à le jour où maintenant il va avoir ce qu'il veut. C'est pas celui qui n'a pas dit, ça lui fait quoi? Ça lui fait rien. Bon, c'est vrai qu'il y a des gens comme ça. Ça va? Mais la cour des rares, toi tu ne peux pas savoir si tu as volé ou tu n'as pas volé. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Est-ce que vous comprenez? Donc dans ce genre de cas, tout dépend de l'enfance. Au début. Si tu as, il t'a dit que tu vas avoir un amour marié, mais si quelque chose manque, ou bien soit si l'argent manque dedans, tu vas rembourser. S'il a dit ok, al-muslimun ala shurutihim. C'est-à-dire les musulmans sont sur les conditions. Ça va? Voilà. Mais déjà, tu connais à la base la marchandise que tu as mis dedans. Et maintenant, lorsque 3 mois après, tu viens calculer, tu vois que ça diminue. Cela dépend. S'il arrive que toi, en tant que propriétaire, tu enlèves de tes propres biens pour dépenser sur celui qui travaille ses besoins. Là, il n'y a pas de voie qui peut diminuer ton capital. Est-ce que tu comprends? Parce que le capital, là, si ça ne s'est pas augmenté, ça ne peut pas diminuer. Est-ce que tu comprends? Mais si on enlève les charges de la boutique, c'est-à-dire qu'on enlève les charges de ce monsieur qui dort là-bas, qui mange là-bas, qui fait tout. On avait tous ces charges dans l'argent de la boutique. Mon ami, ne sois pas étonné que ton argent diminue. Si la boutique ne marche pas, dépense qu'il fait là, ça quitte tout. Ça quitte dans la caisse. Donc ici, ça dépend de l'entente. Dans la cour les hal, si tu lui demandes quelque chose que tu n'as pas mis comme condition depuis le début, il n'y a pas de doute que c'est résolu. Ça va? C'est comme aussi des investissements. On va terminer par ça. Les investissements. Ça va? Généralement, moi, j'ai de l'argent. Et je veux qu'on fasse un projet. Moi, ça, là, je prends Adam. Je lui dis, Adam, viens, je te remets de l'argent. On va faire un poulailler. C'est moi qui ai donné l'argent. Mais c'est Adam qui va travailler. Mais je lui dis, chaque bénéfice, on a 50, 50. Ça, c'est un investissement à perte. Si c'est gâté, c'est gâté. Tu ne vas jamais demander à Adam de rembourser. Tu comprends? C'est ce qu'on appelle l'investissement. Et ça, ça pète. Si c'est gâté, c'est gâté. À moins que Adam, qu'elle a le plaisir, c'est plus que c'est lui, on prend les gars. Il a mal tapé un peu dedans. Et puis il allait se poser quelque part. Ça, c'est entre lui et Allah. Il va rembourser ça. Mais je lui ai demandé qu'il y a. Mais ce qui est apparent, c'est que moi j'ai investi, ça a marché, alhamdoulilah. Ça n'a pas marché, alhamdoulilah. N'est-ce pas? Maintenant, le jour où je décide de retirer mon investissement, je dis à Adam, bon, je m'arrête là, vends tout et tu me remets l'argent. Puisque l'argent, la base m'a parti. Ça va? Adam, il prend 50. Pourquoi il prend 50? Parce que c'est lui qui travaille dans l'argent. Moi, je ne travaille pas dedans. Mais moi, jusque, j'ai dépensé. Quand on va arriver dans le bar du commerce, on va voir ces situations-là, Inch'Allah. À la facilité. Donc, on va. Non. Au bail. Ça, c'est pas l'embarque des zakat. Ça, c'est l'embarque du commerce. Non, ici, je ne pourrais pas répondre à ça. Pour le moment, ça demande beaucoup de détails. Ça va? Non. J'ai l'impression que... Le salaire. Non, le salaire, sauf si tu gardes ton argent jusqu'à ça atteint le quota et l'année passe dessus. Sinon, le salaire lui-même, il n'y a pas. Non, mais il n'y a pas de cas de salaire. Tu as travaillé Washila, tu as avoir Dima. Même si ça passait l'année, on va dire. Rien d'imam qui l'a dit qu'il y a Zakat dessus. Il y a des imams même, qui disent même si 1000 francs à Zakat. Ils donnent 25. 6000 francs à Zakat. Oui. Oui. Voilà. Donc, tu fais pour chacun. Si tu n'as pas mis tout en location au même moment, tu considères pour chacun. Voilà. Là, on parle de celui qui a fait. Voilà. Et si tu veux aussi, tu peux le faire. Hein. Masalan, on peut faire le tajil de la zakat. Ou bien, par exemple, j'ai mis ma première maison dans Ramadan, en location, la deuxième maison dans Zulhijja. Donc, il sait que ma zakat, il y a deux zakats à faire. Zulhijja et puis Ramadan. Ça va? Si je veux pour rejoindre Ramadan, je précipite pour Zulhijja dans Ramadan. Et je fais les deux ensemble dans le mois de Ramadan. Et je commence à compter du Ramadan à Ramadan. Ça, c'est possible. On va s'arrêter ici pour que... Hein? Oui, mais il est déjà 21h. Vraiment, je m'excuse beaucoup. On peut garder les questions, on peut poser les questions en privé. Inch'Allah, la semaine prochaine, on va rentrer dans les chouroutes. Ça va? De la zakati, orot, à tijara. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته